Comment pouvez-vous accorder votre confiance à ceux qui sont la source de votre douleur lorsque ces premiers ne reconnaissent même pas le fait d'en être la source? Et tout cela débouche sur un scepticisme. Scepticisme quant à ce que représente la France. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous vous posons la question. Quelle peut être la force d'une relation construite sur la douleur, le scepticisme et l'absence de confiance? Nous, pas seulement notre équipe ici, mais nous tous dans cette salle et les 5000 personnes qui ont aidé à élaborer ce rapport, sans parler de tous les millions qui sont sur le continent, et hors du continent, eh bien, nous voulons tous un engagement de votre part, que vous vous joindrez à nous pour éradiquer la France-Afrique. Afrique Média, le monde, c'est nous.